radio en direct, émissions à la demande, podcasts originaux, découvrez l'application Radio France. Toutes vos radios en une seule application. Salut Fred, salut Blockbuster, c'est Red. Je voulais vous remercier pour cet épisode sur Batman, la série animée. Cette série, je crois que vous l'avez dit, c'est vraiment la porte d'entrée pour tous les trentenaires à Batman. Et je m'en rends encore petit, j'avais 4-5 ans. Je me souviens que surtout que je prenais les cassettes vidéo qui traînaient et je les enregistrais sur le magnétoscope. Ces cassettes, en fait, elles étaient à ma mère, qui était prof. Et plusieurs fois, elle s'est retrouvée à diffuser un épisode de Batman, la série animée, au lieu d'une pièce de théâtre sur Molière. Donc pour dire que j'ai participé largement à la diffusion de Batman pour toute une génération. Allez, bonne continuation, à bientôt et Batman Forever. Non, c'est nul comme film. Plus. Merci le poster, c'était super cette émission sur Batman The Animated Series. Bien évidemment, je pense effectivement comme vous que c'est l'une des meilleures versions du Chevalier Noir. Cela étant, je me permets juste de faire un petit coup de gueule, mais vraiment petit, parce que c'était vraiment très bien, sur la VF, parce que je trouve que c'était très bien, effectivement, Kevin Conroy, etc. Je comprends totalement, d'ailleurs, RIP, cher Kevin. Mais les gars, Pierre Hatté, Richard Darbois, Jacques Ciron, on parle jamais de Jacques Ciron, la voix d'Alfred, et pas que d'Alfred, regardez tout ce qu'il a fait, ce jeune monsieur. C'était quand même l'âge d'or de la VF en France. Et c'était juste un petit message pour leur rendre un petit peu plus hommage parce que on les adore. Merci Richard, merci Pierre, merci Jacques, merci Blockbuster et encore à très bientôt, merci beaucoup. Oui, bonjour. Petite question qui me traverse l'esprit suite à l'écoute du dernier épisode. Le Chevalier de Saint-Georges, on dira pas Frédéric Sigrist avec une perruque ridicule sur la tête? Mon fils m'a offert un manga, c'est près de ma vie, Logan's Life. Je sais pas si c'est de droite à gauche, je suis devenu un vieux con, j'ai l'impression. Salut Frédéric, alors je voulais te dire que en fait, j'adore tes émissions Blockbuster et voilà. Et je voulais te dire encore une chose, c'est que t'as fait plein d'émissions sur les mangas, t'as fait des super choses, mais tu as toujours pas fait de Blockbuster sur Dr. Slump. To be or not to be, not to be. Le mépris, c'est la vie. Ça, c'est ce que je me dis et me répète à chaque fois qu'il prend la subite idée à un auditeur de m'insulter suite à une chronique qu'il n'a pas aimée ou une émission qu'il a contrariée. Reste calme, Frédéric, respire, c'est le jeu. Tu exerces un métier public, tu ne peux pas jouir d'une liberté d'expression dont tu voudrais priver les autres. Et si ça se trouve, Gaulois Vénère 54, avec sa photo de profil Eren Jaeger, il est très gentil dans le monde réel. Laisse couler et passe à autre chose. Tu as des livres à lire, des films à voir et des jeux à terminer. La vie est bien trop courte et précieuse pour essayer de faire entendre raison à quelqu'un sur un réseau social. Donc moi désormais, je masque. Sur Twitter, je distribue des masques plus vite qu'Olivier Véran quand il était au ministère de la Santé. Ainsi, Gaulois Vénère 54, il peut continuer à insulter ma maman en toute quiétude et moi, je suis pas obligé de le lire. Des fois, je l'imagine dans les limbes du numérique en train de continuer à parler tout seul. Ah, il a plus rien à dire, l'islamo-gauchiste pas drôle, suceur de féministes LGBT+, hein ? Y'a quelqu'un ? Sur Twitter, bloquer quelqu'un d'exécrable qui tient des propos discriminants, par contre, c'est malheureusement une autre manière de lui rendre hommage. Car ça en fait une victime. Je l'ai déjà vécu. Et si c'est pour le voir ensuite se rouler partout par terre en agitant une capture d'écran « Regardez, il m'a bloqué !»« Elle est belle la liberté d'expression chez les bien-pensants !» C'est non. Et selon moi, il en va de la vraie vie comme des réseaux sociaux. Les salauds du quotidien, on ne les bloque pas. On n'en parle plus et surtout, on ne les invite plus. Je ne suis pas pour une culture de l'effacement, mais pour une culture plus subtile de l'érosion. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Mon nom, c'est Angelino. Et toute cette merde autour, c'est Dark Mid City. La ville où je suis né est probablement la ville où je vais mourir. Dark Mid City. DMC. Comme dégueu, merdique et crado. À 22 balais, je gagne ma vie en livrant des pizzas. On me paie pour livrer, je livre. Basta. Pas de prise de tête. La vie, c'est déjà assez compliqué. Surtout quand on a ma tronche. À l'école de la vie, j'ai eu mon diplôme en rattrapage. Et je vais pas me plaindre. Il y en a tellement qui sont passés à côté. Putain, je déteste cette ville. Tu sais jamais ce qui va te tomber dessus. J'aurais pu continuer sans fin à traîner ma carcasse sans trop me poser de questions. Jusqu'à ce moment précis. On dit que les histoires d'amour finissent mal, en général. J'en sais rien. Les miennes n'ont jamais commencé. Si vous écoutez Blockbuster depuis longtemps, vous savez que j'ai un immense amour pour la bande dessinée d'où qu'elle vienne. Mais j'ai toujours trouvé qu'à part quelques très respectables représentants de ce milieu que l'on retrouve très souvent sur cette antenne et ailleurs, eh ben c'est un peu toujours les mêmes têtes. En ce qui concerne les médias généralistes, bien entendu, un podcast c'est plus varié. Or, quiconque est entré dans une librairie un jour a pu constater la richesse incroyable de la bande dessinée. Richesse qui n'apparaît pas dans la représentation que s'en font les médias plus classiques. Donc pour participer à ma manière à un changement de paradigme, j'ai la chance, vraiment une chance énorme, d'avoir avec moi deux des auteurs français de bande dessinée qui m'ont le plus marqué ces dernières années. Tout d'abord, Run, bonjour. Bonjour Frédéric, c'est un honneur d'être ici. Je suis ravi. Vous êtes créateur et auteur de Moutafoukaz, Doggy Bags et Low Reader, co-réalisateur et créateur et co-directeur du label 619. Eh oui. Avec nous également, et là, tonnerre d'applaudissements, Florent Maudou, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes l'auteur de Freak Squeal, Funérailles, co-directeur du label 619 depuis 2019. C'est ça. Ensemble, vous avez fait A Short Story, la véritable histoire du Dahlia Noir, sorti en octobre dernier, édité par le label 619. Eh oui. On va revenir sur votre parcours, vos influences, votre travail et le monde de la BD française plus généralement. On y est, c'est parti. Je déteste le bus. Mais statistiquement, on risque moins de se manger une balle perdue. Dark Mid City, c'est craignos à mort. Et quand je dis à mort, je veux dire que la ville finit toujours par avoir ta peau. Tu sais juste pas quand ça va arriver. Avec Vince, on a parlé plein de fois de se barrer. Mais on fait comment sans bagnole? En bus, on risque vite de tourner en rond. Non, faut regarder les choses en face. On n'est pas mieux que tous ces zombies. On n'a pas d'argent, pas d'ambition, pas d'espoir. En vrai, on n'est même pas l'ombre de nous-mêmes. Un extrait du film Moutafoukaz, et vous avez bien évidemment reconnu la voix d'Angelino qui est celle d'Orelsan, bien entendu. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, Ron, Florent Maudou, c'est quel genre d'élève étiez-vous? Parce que on nourrit beaucoup de fantasmes sur le dessinateur, vous savez, celui qui est au fond de la classe et qui fait des personnages pendant les cours de SVT, etc. Est-ce que c'était votre cas ou est-ce que vous étiez des bons élèves, sérieux, et que c'était sur les à-côté? Voilà. Je vais te laisser dire. Malheureusement, c'est un petit peu ça quand c'est même. Ça. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'étais ni très bon ni mauvais. Mais c'est vrai que je dessinais beaucoup en classe. D'ailleurs, je me souviens d'un prof qui m'avait fait, je ne sais pas si tu te souviens de la pub Guy de Graine. Tu oui. Sais, il avait pris mon cahier, il l'avait montré à toute la classe en disant « voilà ce qu'il ne faut pas faire ». Il m'avait même dit « Monsieur Renard, même aux Beaux-Arts, ils ne vous prendront pas parce qu'il faut de la rigueur aux Beaux-Arts ». Donc voilà. Moi, j'étais globalement, depuis la primaire, j'étais quand même relativement solitaire, je dirais. J'avais du potentiel, mais j'étais clairement pas adapté au système scolaire. Ouais, voilà. Pareil, on était des survivants, en fait. Hein. Enfin, on en a déjà parlé, mais... C'est... Je pense que le but, c'était d'avoir des notes à peu près correctes, d'écrire correctement ce qu'on nous demandait d'écrire, et puis d'avoir un niveau suffisant pour qu'on nous foute la paix, et qu'on puisse dessiner justement dans notre coin. Et effectivement, le cliché... il fonctionne à fond les ballons parce que oui, on était au fond et on dessinait. Alors je dis on a l'impression qu'on partageait la même classe, mais en fait non. Oui. Mais on avait le même profil quoi. Et est-ce que vous aviez déjà un bon coup de crayon qui faisait que vos camarades venaient vous voir en vous disant ah tu pourrais pas me faire tel ou tel personnage? Ah bah exactement. Du coup je parle de survie. En fait ça rejoint les propos qui sont tenus par Angelino dans le début de Moutafoukaz. Il y a vraiment ce côté. C'est la jungle, quoi. Tu fais ce que tu peux pour survivre et pour exister, te trouver une identité. Et finalement, le dessin, oui, ça participe à ça, quoi. Mais tu sais que moi, en primaire, bon, déjà, j'étais petit, j'étais un peu malingre. pour, entre guillemets, survivre dans la cour de récré, je faisais des tatouages au stylo bic sur les gros durs de l'école en échange de leur protection. C'était une espèce de petit système mafieux qui fonctionnait c'est très ça. Bien. Dès que j'avais un problème, je les appelais. Alors tu vois, je leur faisais des tatous de tonton tolard, hein, tu vois, des espèces de serpents entourés, enfin une dague entourée de serpents, ce genre de délire. Mais c'était ma manière à moi, si tu veux, de trouver ma place et de survivre, ouais. Donc en ce moment, il y a des gens incarcérés avec des tatouages. Ah, mais tu sais que je connais très bien Run, hein. Ouais, l'auteur de Moutafouka, alors bah c'est un peu moi qui l'ai lancé. Ouais, c'est possible, c'est possible. Et lancé comment... au sens propre. Et évidemment, le dessin, ça vient pas comme ça. C'est nourri des fois par nos lectures, par ce qu'on peut regarder à la télévision, voir au cinéma. Est-ce que vous aviez déjà des influences à ce moment-là? Oui, alors il y avait aussi, ce qu'il faut pas négliger, c'est qu'au-delà de la survie, entre guillemets, comme on parlait, il y a aussi le besoin de s'évader. Moi, je suis né dans une petite ville du nord de la France, il n'y avait pas grand-chose comme activité. C'était une époque aussi, il n'y avait pas Internet, j'avais même pas de librairie, si tu veux, dans ma ville. Donc, créer ses propres histoires, c'était aussi un moyen de s'évader, clairement. Et les influences, moi je sais que j'ai grandi avec le début, enfin l'arrivée des mangas. Alors je parle de l'époque d'avant le Club Dorothée, parce qu'on parle toujours de cette époque-là comme si c'était la pierre angulaire. Alors c'est vrai que c'est à ce moment-là Goldorak où on a été... était déjà diffusé largement voilà. Et avant, la Force G aussi, Force tout le monde, oui, monde oublie la Force G. Spectreman évidemment. Et moi c'était plus ça, donc d'ailleurs une de mes premières bandes dessinées, enfin mes premières bandes dessinées étaient tout simplement des remakes maison de Goldorak quand j'avais 5 ans. Tu vois, je ne savais pas écrire, mais je recopiais des bulles, je recopiais des textes dont je ne comprenais absolument rien. Mais c'était c'était ça mon délire à l'époque. Florent Maudit, Candy. Et Candy. Et Candy. Et je pense que ça on sent que ça me tient à cœur. Hein. Et Candy. Ouais. Oui, c'est important. Non, mais c'est tout bête, mais j'ai une photo de moi à 1 an et Broudzouf et il y a Candy à la télé, quoi. Donc, je pense que ça te marque, en fait. Tu continues à regarder ça. On parle de Dorothée, effectivement, il y aurait créé à deux avant. Alors, je sais plus, je crois que, par exemple, Lydie Oscar, c'était avant le Club Dorothée. Oui. Et, été diffusé, et c'est marrant parce que Lady Oscar c'était designé par Shingo Araki aussi. Des chevaliers du Zodiac. Ulysse 31. Ulysse 31, ben, voilà, donc c'est un ponte dans le. Enfin, il a marqué notre imaginaire et aujourd'hui encore, je me trouve à dessiner des cheveux comme lui il le faisait. Et c'est marrant parce que. Il y a eu une auditrice là, tout à l'heure qui parlait, t'as anticipé qu'elle allait parler de Shoujo. Et en fait, c'est. Shingo Araki ou même Leiji Matsumoto, c'est des mecs qui venaient du dessin pour filles. Et c'est de manière très maniérée, très élégante de dessiner les cheveux, ça vient de ça. Oui, ils ont des cheveux qui s'harmonisent assez joliment avec la forme de leur corps. Ils sont très fins, ouais. Très longilignes et leurs cheveux en fait soulignent ça aussi. Voilà, c'est ça. Il y a une esthétique d'ailleurs copiée sur ce qu'ils imaginaient être la France. C'est ça qui est marrant. Il y a une esthétique qui est très poussée vers ça. Et au final, je me suis retrouvé des fois à galérer avec des auteurs avec qui je bossais parce que je leur disais, mais dessine mieux les cheveux que ça. Là. C'est pas équilibré. Là, ton truc, t'as une masse qui est pas jolie. Et en fait, pour moi, c'est naturel. Et comment vos familles respectives ont apprécié votre goût au dessin? De mon côté, c'était un peu compliqué parce que dans ma famille, il n'y avait personne qui était issu du milieu artistique. Donc, tu vois, mon père travaillait à la SNCF, ma mère au PTT à l'époque. Donc, c'est vrai que, entre guillemets, une carrière d'auteur ou même d'artiste, hein, au sens plus élargi, c'était juste non, quoi. Il faut trouver un vrai métier. Donc, les vrais métiers, c'est boulanger, c'est médecin, c'est tout sauf dessinateur, quoi. Donc, j'étais d'accord avec ça, c'est ça le truc le plus drôle. Mais il se trouve que j'avais une école des beaux-arts à Cambrai, la ville dans laquelle j'ai grandi. Et j'ai passé un bac B pour faire plaisir à ma mère, qui est en gros l'équivalent de ES, je crois, aujourd'hui. Et suite à ça, j'ai eu la carte libre pour aller justement dans l'école des beaux-arts pour voir un peu ce que ça pouvait donner, quoi. Donc même si c'était pas forcément quelque chose qui allait avec votre milieu social de départ, ils ont pas mis de barrières ni quoi que non. ce soit. Non, mais il y avait des réticences. Je pense que c'était plus de l'angoisse. La peur, oui. Voilà, c'est ça. C'est ça. Florent Maudou. Un peu la même, hein. Père ingénieur, mère comptable. Ça m'était rentré dans la tête. Enfin, c'était clairement établi que j'allais pas faire une carrière dans le dessin. Quoi. Je faisais du dessin par passion et parce que j'avais par frustration aussi, parce que j'avais envie de créer mes propres histoires. Et à partir du collège, je me suis mis à dessiner énormément de mangas. Mais au final, ils ont accepté assez facilement lorsque j'ai dit écoutez, c'est ça que je veux faire, parce que en fait, les maths, j'ai fait un doc de maths. Hein, c'est génial, ça sert à rien. Et suite à ce dog, j'ai compris que je voulais pas continuer dedans parce que en fait je m'y ennuyais, surtout je comprenais rien. J'apprenais les choses par cœur, mais ça me disait rien, ça me parlait pas. Et alors que le dessin, il me suffisait de rien pour piger ce qui se passait graphiquement, j'intégrais tout. Donc je me suis dit bon écoute, voilà, je vais tenter le coup. Ils m'ont suivi dedans et je passe le concours des gobelins, je l'ai du premier coup de bol. Enfin voilà, et puis c'est comme ça que ça commence. Il y a une différence entre faire de l'illustration, avoir un très bon coup de crayon, savoir créer des personnages magnifiques, stylés, avec un design singulier, et raconter une histoire. Est-ce que dès le départ, vous aviez déjà conscience que c'était plus le dessin qui vous bottait, ou c'était vraiment l'envie d'échafauder une histoire, une mythologie et développer un univers ? Moi, personnellement, ça a toujours été raconter une histoire. Le dessin, c'était vraiment, l'outil dont j'avais besoin pour le faire. Je me souviens que quand j'étais au collège, je faisais les bandes dessinées des copains, entre guillemets. Et avant d'aller à la cantine, je lisais le chapitre, tu vois, du jour, quelque part. Et vers la fin, je torchais le dessin. C'est-à-dire que le dessin, c'était pas si important. C'était mon moyen de m'exprimer malgré tout, mais c'est vrai que contrairement à Florent qui est bien meilleur que moi en dessin ou un Guillaume Saint-Gelin ou un Mathieu Bablé, le dessin, je trouve que c'est toujours plus difficile pour moi, c'est un peu plus lacunaire. Mais ce qui m'intéresse, c'est partager avant tout. Et puis raconter des histoires. Ouais. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas le travail de Run, il est un peu sévère avec lui-même. Très très sévère avec lui-même, avec un gros complexe de l'imposteur. Oui. Oui. Ouais, mais c'est vrai que, bon, de toute façon, ils me connaissent par cœur, ils connaissent le dossier depuis 15 ans, mais c'est quelque chose qui est vraiment profondément ancré en moi, ce manque de légitimité par rapport au dessin. Ouais. Mais c'est bien, ça permet aussi d'avancer. Bah, ou d'être totalement insatisfait et d'être névrosé au dernier stade, mais ça permet d'avancer. C'est ça. Voilà. Bah, tant que tu arrives à sublimer ton complexe, c'est le principal. Ouais. Et qu'est-ce que vous préférez dessiner ? Parce que je sais que je voulais moi-même devenir dessinateur avant d'embrasser la carrière de comédien. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui en ont fait leur métier. Et à chaque fois, il y a ce sujet qui revient, ce qu'on aime ou ce qu'on déteste dessiner. Et chaque dessinateur a sa kryptonite. Il y en a certains qui vont dire « Ah non, mais moi, c'est les immeubles et les fenêtres. Je ne supporte pas les fenêtres. » Est-ce que vous avez des sortes de némésis stylistiques qui existent ? On en a parlé, hein. Ouais, les squelettes sur les vélos. Ouais, parce qu'en dédicace, les gens nous demandent toujours des choses et parfois même un peu pour nous coincer. Type, je voudrais une aire d'autobus, tu vois, des trucs comme ça, ou... Qu'est-ce qu'on avait eu aussi, la mort sur un poney magique, des trucs comme ça. Des fois, tu te dis, mais trucs, hein. Pourquoi il s'expose à des dessins ratés potentiellement ? Et on s'était dit, le pire qu'on pourrait nous demander, je pense que c'est un squelette sur un vélo, ouais. Ouais, en dédicace. Ouais. Mais après, moi, globalement, j'ai beaucoup de kryptonite quand même. Je m'en sors bien sur les persos un peu badass, etc. Mais Florent, lui, par contre, c'est impressionnant. Il peut tout dessiner de mémoire. C'est une machine, quoi. Ouais, mais c'est parce que je croyais que les Japonais faisaient ça. J'étais persuadé que tous les artistes du monde, ils te sortaient les images de leur tête, quoi. Donc, sans faire entraîner, rien du tout. C'est sur un malentendu, je me suis formé. Mais au-delà de ça, Florent, si je lui montre une photo de n'importe quoi, il va la regarder 5 secondes et il va la reproduire sans jamais relever les yeux vers la référence. Honnêtement, c'est un truc de fou, Florent. Est-ce qu'on est dans le domaine de la mémoire photographique ? Oh, je crois pas. Ouais, moi c'est plus sémantique chez moi. J'essaie de comprendre comment ça fonctionne. J'aime pas essayer de t'apprendre par cœur. C'est un truc qui m'a toujours terrifié, le par cœur. Parce qu'à l'école, on nous demandait du par cœur, les poésies par cœur et tout ça. Et en fait, non, j'essaie de comprendre. Je me dis, tiens, il y a une grille d'aération là, pourquoi ? Là, il y a des grippes sur cette arme, pourquoi il y a un grip ? Et au final, c'est plutôt en accumulant les éléments sémantiques d'un objet que je finis par comprendre. Donc il y a quand même un rapport assez proche de l'ingénierie, savoir pourquoi tel objet a été conçu de telle manière. Ce qui était terrible, c'est que je défonçais tous mes jouets, quoi. Il n'y avait pas un seul qui survivait plus de 2 ans à ma curiosité, quoi. Je les dévissais, je voulais voir comment c'était foutu. Et malheureusement, ouais, Florent, vous êtes passé à ça d'une carrière de médecin. Voilà. Mais c'est pas faux. Hein. Quand j'étais petit, je voulais devenir médecin. Ah ben voilà. Et d'ailleurs que on n'est pas passé loin de l'activité de médecin légiste dans Dahlia Noir. Ouais, ouais. Moi, je voulais être cascadeur, tu vois. C'était un autre délire encore. Mais maintenant qu'on en parle, moi, c'est vrai que je me détends beaucoup plus quand il s'agit de passer en couleur. C'est vraiment là où je sais que toi, c'est peut-être un peu plus fastidieux. Ouais, l'approche de la couleur. Moi, c'est vraiment là où je me sens le plus à l'aise parce que ce qui compte avant tout pour moi, c'est transmettre une ambiance plutôt qu'un beau dessin. Donc voilà, c'est vraiment à ce moment-là où me détends et où je sens que j'ai peut-être plus de facilité que d'autres. Ouais, d'ailleurs au niveau photographie, tes planches, elles sont magnifiques, hein. Je veux dire, les lumières, elles sont super belles, les couleurs, elles sont bien harmonisées. Enfin, là-dessus, c'est effectivement, je suis moins à l'aise, quoi. T'es pas obligé de me dire tout ça, Florent. Et quel a été votre premier travail publié, Ron? Mon premier travail publié, c'était dans le magazine Max, je ne sais pas si tu te souviens, oui. À l'époque. Et dès qu'ils avaient des sujets un peu tendus, un peu extrêmes à illustrer, ils me contactaient. Donc tout ce qui était terrorisme, guerre de la drogue, tu vois, des trucs comme ça, c'était pour moi. Et pourquoi ? Parce que j'avais un site internet à l'époque. Tu vois, c'était tout au début c'était au début d'internet, les 56K, etc. Et moi, j'avais un site internet qui était quand même bien costaud. Et c'est dommage parce que avec le fait que les navigateurs ne prennent plus en charge Macromedia Flash aujourd'hui, fait qu'il y a tout un pan de l'histoire d'internet qui a complètement disparu. Et ça, je trouve ça juste honteux. Bref. Une fois de plus, rappelons l'importance des supports physiques. Mais oui. Mais de fait, je m'étais fait repérer quand même à l'époque de par mes dessins qui étaient déjà un peu noirs, un peu gothiques. Et c'est vrai que le magazine Max m'avait contacté, le directeur artistique de l'époque m'avait contacté pour tous les sujets un peu, tous ces sujets un peu sur le tordus. Dos, terrorisme, montée de la radicalisation, c'est pour moi. Ouais. Je ne les choisissais pas, hein. Ils m'étaient imposés. Mais ça m'allait très bien. Et les gangs aussi, beaucoup les gangs, je me souviens, ça revenait souvent. Et vous, Florent Modou? Par rapport aux premières œuvres publiées, si tu sors les trucs municipaux, les petits encarts, j'ai publié pour du JDR, du jeu de rôle, chez Mnemos, et c'était un petit boulot comme ça d'étudiant. C'était mon prof qui m'avait dit tiens, va aller voir, ils auront un boulot mal rémunéré mais cool. Et c'était super intéressant, assez formateur. Et du coup, j'ai commencé effectivement à côtoyer le public du jeu de rôle, ensuite de la figurine plus tard, et pour arriver sur la BD plus tardivement, quoi. Et est-ce que ça se faisait en parallèle de ce projet personnel qu'on nourrit depuis des années, la BD vraiment qui a germé de son esprit à soi, mais qu'on n'a pas encore réussi à transcrire et à publier officiellement? Alors est-ce que Freak Squeal existait déjà en germe et Moutafoukas pour vous, Ron? Non, moi Moutafoukas c'est arrivé en 97, mais au moment où je faisais toutes ces illustrations pour Max, c'était déjà là, je suis bête. Si, c'était déjà là en germe. Mais encore une fois, je veux dire, j'explorais cet univers au travers du multimédia, notamment par mon site internet. J'avais un petit peu laissé de côté la bande dessinée. Bien que quand j'étais étudiant, j'avais fait une petite bande dessinée qui ressemblait un petit peu à une. C'était le format Bible, fait au Rotring 0.35. Ah, le fameux Rotring. Mais qui ressemblait un peu plus à une BD type Lévi-Strondheim, l'association, etc. Le cauchemar des gauchers. Ouais, le Rotring. Oui. Ouais, mais c'est clair que au bout de un mois, je devais en racheter un, quoi. Oui. et c'est très très très progressif tout ça. À l'époque, je me souviens que j'avais pas forcément en volonté d'en faire une bande dessinée. C'était plus un univers que je posais. Je me disais, ça pourrait devenir aussi bien un jeu vidéo qu'un film d'animation, qu'une BD. Et il se trouve que c'est devenu d'abord un court métrage, puis ensuite une BD. Flormodou. Quant à moi, c'est y a des éléments qui m'ont suivi, des personnages et des éléments graphiques qui m'ont suivi pour donner naissance à Freak Squeal, parce que Freak Squeal c'est vraiment un mélange de tout ça, un melting pot, quoi. Mais en, et quel personnage était déjà là, en fait? Funérailles, je pense. Funérailles. Ouais, c'était Funérailles. Enfin, à l'origine, ça devait être le héros de l'histoire. Et il était... J'explique aux auditeurs, c'est un personnage avec une partie du visage défigurée, un chapeau extrêmement classe. C'est une sorte de mélange entre Vampire Hunter D, pour ceux qui connaissent, et puis il a des côtés Blade aussi. Un petit peu aussi le film de Choi Ark, The Blade. The Blade, oui, tout à fait. Bah, il y a une grosse référence à Choi Ark. Oui. C'est ce que j'ai eu, j'ai pressenti. T'as bien capté, c'est exactement ça. Mais de toute façon, c'est un personnage qui est issu d'un univers qui est extrêmement élitiste, et l'idée c'était que il s'en sortait, il arrivait à devenir quelqu'un malgré toute la pression que la société faisait peser sur lui, et ça c'est un personnage qui à l'origine devait être le personnage principal, mais finalement vis-à-vis du contexte dans lequel je voulais écrire Freak Squill, donc c'est une histoire de super-héros qui vont à la fac pour devenir pour devenir vraiment des super-héros professionnels, mais en fait c'est une fac seconde zone, quoi. Et là-dessus je me suis vraiment inspiré de mon expérience à la fac, avec ce sentiment de pas savoir ce qu'on fait là, de se dire ok, il y a une promesse du système, moi je veux y croire. Mais en fait, il faut pas y croire. Il faut se dire ok, c'est mon outil pédagogique. C'est à moi de m'en emparer, de me dire ok, je veux m'affranchir de ma condition. Je veux évoluer. Mais c'est aussi il faut aussi prendre conscience que c'est pas venir de l'extérieur. Et c'est ça que je voulais raconter dans Freak Squill. Et finalement, Funérailles se prêtait mal à ce discours-là. C'est pour ça qu'il est devenu. Enfin, il était professeur dans Freak Squill. Et qu'est-ce que vous lisiez à l'époque de vos débuts, et qu'est-ce que vous regardiez comme film ou comme série ? C'était très éclectique déjà à l'époque. Là, je parlais de Lévi-Strondheim, mais c'est vrai que ça faisait partie de mes références. Pierre Lapolice aussi, que j'adore toujours aujourd'hui. Je trouve ça exceptionnel. Mais aussi Frank Miller. Enfin, les classiques, Dave Gibbons, Frank Miller, Mignola, Katsuhiro Otomo, oui. Placide et Musso. Enfin, tu vois, c'est vrai que nous, en tant que Français, on est soumis à plusieurs influences. Je pense que c'est relativement, enfin, je pense que c'est rare dans le monde. Nous, on a à la fois l'influence des comics, mais aussi des mangas. Quand tu vois, les Américains, ils sont très américano-centrés. Les Japonais aussi, ouais. Ils sont très fermés sur leur marché. Tandis que nous, on a grandi avec les Schtroumpfs, Achille Talon, tu vois, Lucky Luke, etc. Mais aussi, très vite, on a eu les Strange, on a eu les premiers mangas qui sont arrivés, notamment via Otomo. C'était le premier manga, en tout cas, moi, de ce dont je me souviens. Et c'est vrai que, du coup, très vite, je veux dire, en tout cas, très jeune, ado, tout s'est métissé, tout s'est mélangé dans ma tête. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, tout ça m'est venu très naturellement, cet éclectisme et ce métissage. Sans en avoir particulièrement conscience, d'ailleurs. Ça faisait partie de mon paysage, je veux dire, culturel, quoi. Et en termes de séries et de films, de l'époque ? Alors, moi, j'étais... Alors, pour les séries, bon, déjà, à l'époque, il n'y avait pas tant de séries que ça, tu vois. Donc, Qui était imposée par le réseau Hertien. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. L'homme qui tombe à pic, tu parlais de Cascadeur, mais... Exactement, mais moi, c'est vrai que j'achetais déjà les premiers DVD des Contes de la Crypte et de Twilight Zone. Les DVD, c'est récent. C'est préhistoire, là. Non, pas tant que ça, parce que à nos débuts, tu vois, quand on a commencé à être publié. Oui, je parle pas quand on était enfant. Oui. Je mets de côté ma première BD de Goldorak de 5 ans, tu vois. Là, je parle vraiment quand on a commencé à rentrer dans le monde professionnel. Donc, en l'occurrence, quand je commençais les Isius dans Max. Mais c'était ça. Et donc, ouais, j'étais en train de racheter les coffrets Contes de la Crypte, Twilight Zone. Que j'adorais et que j'adore toujours et qui font partie vraiment de mes références numéro 1. Et aussi, je me rappelle aussi, j'étais passionné par les films de Hong Kong, tout ce qui était John Woo, ou même les Godzilla. Je me rappelle, j'achetais tous les Godzilla, d'ailleurs, il y en a très très très mauvais, mais... Ce Dinoshiro Honda... Exactement, ouais. Mais j'adorais ce que je... Je me souviens que je me passionnais pour les films des années 50-60, j'aimais beaucoup ce côté un petit peu studio... Avec des lumières particulières, tu vois, on sent qu'il sortait du film noir et blanc. Il y avait encore des réflexes dans tout ce qui était mis en lumière, et c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Un petit côté à la fois théâtral, j'aimais beaucoup ça. Donc c'était ça, mais C'était ce que je regardais, ce que je disais à l'époque, quoi. Florent? Je vais faire comme toi, Run. Je vais parler plutôt de mes débuts, les grosses influences culturelles. C'est l'arrivée du manga. Effectivement, moi, je suis peut-être un peu plus jeune. Je suis de 79. Et du coup, il y avait les Ranma, les premiers mangas qui étaient sortis d'abord en animé chez Dorothée, qui sortaient enfin en papier. Et en fait. Moi, j'ai toujours eu une petite préférence pour les mangas aux versions animées, tu vois. Et Akira, quand j'ai découvert en animé, je me suis dit, ah ouais, je comprends rien à la fin. C'est très joli le début, mais je préfère le manga, en fait. Je sais où il m'embarque, j'ai mieux compris. Nausicaa, c'est pareil, tu vois. Nausicaa est énorme en manga. J'attends encore que Miyazaki refasse du manga. Et au final, c'est un peu pareil. Ah, c'est mal barré quand même. Hein. Ouais, c'est mal barré. Ouais. je crois qu'il a pas le choix. Il va devoir travailler jusqu'à la mort. Ouais, voilà, c'est ça. Premier manga, des premiers trucs que je copie, que je fais des fan art de Ranma. Et ensuite, voilà, c'est vrai que les séries à l'époque, c'était pas pareil. En fait, on a du mal à imaginer qu'aujourd'hui, il y a une profusion et une disponibilité du matériel culturel qui est énorme. Peut-être qu'on verra plus ça dans l'histoire de l'humanité. C'est peut-être une époque qui a. Ah, moi, je pense effectivement que ça va être une bulle et un passage et que ça sera pas pérenne. Non, c'est difficile parce que là, t'as tellement de qualité. Enfin, je veux dire, c'est des séries qui valent des millions, c'est des qualités photo, qualité musique, interprétation, des acteurs qui sont payés super cher. Tu fais, ouais, d'accord, attends, comment tu fais pour suivre ça? Mais même en termes écologiques, c'est une catastrophe. Ah oui, c'est une catastrophe. Oui, bien sûr, ouais. Donc c'est vraiment, je pense vraiment que c'est. Il y a un proverbe qui dit qu'une chandelle ne brille jamais autant que quand elle est sur le point de s'éteindre. Ah ouais. Et c'est vrai qu'en termes de divertissement et de profusion, de production toujours plus chère, je pense qu'on est... Ouais, on atteint un pinacle. Oui. Et ceci dit, c'est l'overdose. Tu passes plus de temps à choisir ce que tu vas regarder qu'à regarder les regarder, trucs. Ouais. Et puis même, tu regardes un épisode, tu dis « Ah, cette série n'est pas pour moi », donc tu as perdu 40 minutes de ta life pour un truc. Au final, tu dis « Ah, c'est produit avec les pieds ». À côté de ça, nous, on est des auteurs de BD. Alors, je suis en train de divaguer, hein, excuse-moi. C'est là pour ça. J'ai l'impression qu'on est des survivalistes de la culture, quoi. C'est nous, on pourra survivre à une grosse crise parce que on s'est développé dans la débrouille, dans le survivalisme. Parce qu'en fait, ça n'a jamais été trop florissant. Non, c'est ça, voilà. Là, on est en train de dévier, hein, effectivement, mais la BD, ce sera jamais trop florissant. C'est difficile. Tu vois, aujourd'hui, les youtubeurs, là, ils parlent pas de BD. Bah, pourquoi? Parce que c'est vachement plus facile de faire des millions de vues avec le dernier Marvel. Est-ce qu'il est nul ou pas bon, quoi? Oui, tu vois. Oui. Et, ils s'en disent long sur ce que j'en pense. Et c'est normal. Et en fait, c'est bien. C'est bien parce que du coup, ça nous permet de toucher plus profondément notre public et qu'ils se disent « Ouais, ce truc-là, il a été fait pour moi. » Et au final, c'est peut-être l'impression qu'on avait quand on était plus jeune, que les œuvres étaient faites pour un plus petit public, pour des gens qui découvraient quelque chose, qui avaient l'impression de partir. Tu vois, on n'a pas parlé de nos premiers... les premières fois, on allait acheter des mangas qui n'étaient pas traduits en français, quoi. Moi, j'ai acheté une quantité de Ranma aussi, en japonais. Ouais, en japonais, je comprenais rien et j'essayais de piger. Mais c'est là où tu prends une leçon de narration. C'est que tu comprends ce qui se passe, même si tu n'as pas les textes. Alors, j'aime bien les textes. Hein. Je trouve que c'est important d'avoir des beaux textes et une synergie texte-image. Mais je comprends aussi que la narration, c'est un truc qui est hyper important. C'est visuel, quoi. On va continuer d'explorer votre parcours, mais avant ça, on va écouter Bobo Bang Bang de Kimberly, qui vient d'Haïti. Musique de Kindred Beats, produit pour le lancement de Mutafukaz 1886. Mutafukaz 1886. Dame 619. Kimberly Bobo Bang Bang. Kimberly, je me présente. Haïti, ouais, je représente. Je change pas d'équipe, mais plutôt de tactique. Beaucoup de pratique, pas que temps pour me plaisanter. Y'a non game qui semble Black Forest. Everybody got a gang Black Power. No, it is all about high power. Si c'est moi, vous cherchez, gardez du power. C'est moi qui dois pour marcher, pour une rachet d'un crash et plein de fun, y'ton. Kindred m'envoie le beat, je m'en backlit. Je vais tout niquer, c'est ma saison. Vini, vini, now, ouais. Kimi, kimi, na steps. My dream, my team, my ligne, ma vie, I'm queen et puis that's it. Trouver chez nous bien chèche, avant pas qu'il prime avec ton princesse. Tu veux que nous bien fait, Brahim, nous bien même, ça m'a fait, chose bien celle. Si tu pas, maintenant pas qu'il crèque. Si tu pas, maintenant pas qu'il jouait. Si tu pas, maintenant pas qu'il question, pas bail talent, respect, pour poste au poids, j'ai une chèque. Ben c'est chien, c'est le rap. La 13 étoile, mais finit pas peu. Après, m'a gagné l'autre, t'as m'challé, I'm taking over, stop crying, people mother. Je ne sais pas si je suis un bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon. Faut pas ni en vrai, pour que au vivant père faut ni qu'à faire la guerre. Dès que t'as fait à terre, pour ça un peu pas ouais, que ça tombe aller en paix. Prépare au bout juin, moi. Que bah, un bras le fait que pas j'en me l'a encore. Et t'es osé bif, moi, faut dire toujours à l'oua, t'es pas j'en fais ça encore. Et dans le cœur, c'est ma fiomie. Mon énergie cosmique à believe. Mon y'en a pas gagné le vide, pas le temps à perdre, les neufs vont maigrir. Faut pas ni en vrai, pour que au vivant père faut ni qu'à faire la guerre. Yeah, yeah, Kimmy, Kimmy, Kimmy, Kimmy. Yeah, yeah, Kimberly, Kimmy Luke. Yeah, yeah, Kimmy, Kimmy, Kimmy, Kimmy. Yeah, yeah, Popo, Ping Ping. Blockbuster, Frédéric Sigrist. Vince ? Ouais ? C'est quoi ce bordel dans l'entrée ? Non, sérieux, faudrait penser à ranger un jour, c'est une putain de zone de guerre cet appart. Oh putain, la tronche ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Un camion a déboîté comme un dingue et je l'ai pas vu venir. Les gens roulent comme des cons dans cette ville de cons. Bref, j'ai perdu le job. Encore ? Ouais. T'as pensé à nourrir les cafards ? Et tu trouves qu'il y en a pas assez par terre ? Faudrait en plus les nourrir ? Oh non, par terre, c'est dégueu. Elle va pas les rendre malades à les laisser bouffer n'importe quoi. Sans deck ? Je sais pas comment on va s'en sortir. 2 mois de loyer en retard, plus de taf. Je veux pas te pourrir le match, mais va falloir qu'on se bouge, mec. Peut-être que Willy aura un plan pas trop foireux pour nous. Willy, pas trop foireux ? Tu te fous de ma gueule, là. Petit, petit, allez, mes mignons. C'est tonton Lino qui régale. Bah, dis donc, vous étiez pas aussi nombreux que ça hier. Mais ça fout vraiment les boules, tes bestioles, là. Avoir le cafard, elle vient pas de nulle part, cette expression, mon pote. Ouais. Sandek, je trouve que plus ça va, plus il se met à l'aise. Et autant de cafards au mètre carré, il faut pas s'étonner d'avoir la loose après. Hey Vince, tu sais ce qui serait la vraie loose ? Que même eux, ils se barrent de l'appart. Un nouvel extrait de Moutafoukaz. Cette fois-ci, vous avez pu entendre Gringe qui accompagne Orelsan. Ils sont nés pour incarner Angelino et Vince. Et justement, je vais présenter aux auditeurs l'histoire de Moutafoukaz. C'est l'histoire d'Angelino et Vince, deux jeunes galériens qui tentent de joindre les deux bouts dans une ville gangrénée par la pauvreté et la guerre des gangs nommée Dark Meat City. Vince et Angelino pourraient être des marginaux parmi tant d'autres, à la différence que Vince a une tête en forme de crâne enflammé, une sorte de mini Ghost Rider, et Angelino, lui, ressemble à un emoji smiley qu'on aurait laissé cuire trop longtemps. Alors qu'il était en train de livrer une pizza sur son scooter, Angelino se fait renverser par un camion, et le choc réveille en lui la faculté de repérer d'étranges créatures qui se font passer pour des humains normaux au sein de leur société. Une invasion qui semble avoir des ramifications jusqu'au sommet de l'État. Vous prenez Invasion Los Angeles, Boys in the Hood et une touche d'esprit Grindhouse chez Tarantino, vous avez Moutafoukaz. Et ce qui est tout d'abord frappant dans Moutafoukaz, c'est le rythme. C'est une course-poursuite truffée de rebondissements de la première à la dernière page. La mise en page s'affranchit d'un chapitre à l'autre des règles traditionnelles de la bande dessinée franco-belge. On est plus on est plus sur du comic book, mais pas ceux de Marvel et DC, plutôt le comic book pulps, ou même la scène indépendante plus punk, industrielle et rugueuse. Moutafoukaz, pour moi, c'est le chaînon manquant entre la BD et le street art, une œuvre de contestataire. Et là, je me tourne vers Ron. Comment est né Moutafoukaz ? Ah, tu es la vérité ou la légende ? Allez, allez, un scoop pour la vérité. Ouais, non, alors ça a commencé dans ma petite chambre d'étudiant de 9 mètres carrés à Nancy, d'ailleurs qui était la 777. Donc tu vois, ça vient pas de nulle part, qui est aussi la chambre, qui est aussi le numéro de chambre de Vince Angelino. Et on était à la période, donc c'était la rentrée scolaire en octobre et c'était Halloween. C'était encore l'époque où on s'écrivait entre petits copains et petites copines, tu sais. Oui. Et je faisais des lettres et moi j'ai décoré beaucoup, un petit peu comme mes cahiers, tu vois, d'école, mais là c'était sur les lettres. Et comme c'était Halloween, j'ai eu l'idée de faire ces petits personnages là qui s'appelaient pas encore Vince Angelino. Et ensuite ils sont devenus récurrents sur les lettres. Et ensuite, quand la relation s'est terminée, je me suis dit ils sont, il y a un truc à faire quand même par rapport à ça. Et j'ai commencé à en faire une petite bande dessinée, mais là, tu sais, un petit peu en écriture automatique. Je ne savais pas trop où j'allais. Ça restait dans un délire un petit peu Halloween, Tim Burton, tu vois, dans l'idée. Et en plus, d'ailleurs, au début, l'histoire se passait à Nancy. Enfin, c'était vraiment mon quotidien, quoi. On est passé de Nancy à Dark Mid City. Eh oui, progressivement, ouais. Donc ça, mais après, ça s'est pas fait d'un coup. Hein, si tu veux, il y a eu plusieurs années pour passer de Nancy à Dark Mid City. Mais il va falloir que l'Est de la France se pose des questions quand même, parce que Nancy devient Dark Mid City, Metz devient le futur apocalyptique du visiteur du futur. Il y a un truc dans l'Est. Il y a un truc, hein. Clairement. Mais c'est vrai que au fur et à mesure, de par les voyages, notamment, je trouvais quand même que ce décor nancéen était peut-être un petit peu à l'étroit. Donc petit à petit, c'est devenu une fédération, puis petit à petit, c'est devenu les États-Unis, parce que je suis allé aux États-Unis. Et c'est vrai qu'on a été abreuvés, en tant que gamin des années 80, on a été abreuvés aux séries américaines. Tu vois, Chips, Starsky Hutch, MacGyver, c'était que ça. Et puis c'est vrai aussi que la base de Moutafoukaz, le postulat du moins, c'est quand même une invasion extraterrestre silencieuse. Et le folklore ufologique, il est quand même très rattaché aux États-Unis, avec l'affaire Roswell, Socorro, etc. Donc, même par rapport, je veux dire, aux formes des voitures, tu vois, c'est quand même plus kiffant de faire une poursuite de voiture en Cadillac 64 qu'en Clio. Donc, clairement, je me suis dit que j'allais poser le décor aux États-Unis et dans une ville qui ressemble, une espèce de sœur jumelle de Los Angeles. Tout simplement parce que quand je suis allé à Los Angeles, je me suis rendu compte que c'était une ville-monde. Tu sais, la ville est vraiment divisée en quartiers ethniques, clairement. Tu vois, il y a toutes les villes dans cette ville. Il y a le Little Bangladesh, Little Haiti, tu vois, il y a... Little Odessa, il y a vraiment toutes les communautés qui sont représentées. Et je m'étais dit, si on veut faire, tu vois, si on veut faire une invasion extraterrestre sans pour autant poser sa caméra partout dans le monde... tu vois, à la Roland Emmerich, là c'est parfait, c'est condensé, c'est une ville qui est condensée, etc. Et du coup, voilà, pour toutes ces raisons, je me suis dit que les États-Unis et Los Angeles, c'était un peu mieux que Nancy. Ce qui est très étrange, c'est que quand j'ai découvert Moutafoukaz et la manière dont les gangs sont présentés, les gangs latinos, les gangs d'afro-américains et tout ça, et que j'avais encore vu aucune photo de vous, Ron, je m'attendais à voir débarquer quelqu'un d'origine hispanique, avec le bandana, le Marcel et les chaînes en or. Ouais. Et pas du tout. Comme vous l'avez dit, vous êtes du nord de la France, vous avez fait vos études, vous êtes passé par Nancy aussi. Et donc, d'où vient cette fascination pour les communautés hispaniques ou afro-américaines ? Alors, deux rencontres. Et encore une fois, dans ma narration, c'était super important dans le sens où Vince Angelino, c'est des personnages que je voulais mettre absolument en marge du reste de la population. Moutafoukaz, ça raconte aussi l'histoire de deux personnages qui sont des losers, qui ne sont pas adaptés à leur cadre de vie. Et oui, parce qu'ils ont un look spécifique qui n'est jamais expliqué. Voilà. Voilà, Angelino ressemble à Smiley tout noir, Vince a un crâne en feu, et tout le monde se moque d'eux, mais ça pourrait presque être... un stigmate physique, un handicap ou quoi que ce soit pointé du doigt par le reste du monde, mais le côté surnaturel n'est pas du tout mis en avant. Non, pas du tout, mais parce que je voulais les mettre en marge d'une ville où il y a des espèces de familles au sens élargi. Et dans Mutafukaz, qui est un univers quand même... Enfin, dans Dark Meat City, qui est un univers très toxique, que je voulais très toxique, je m'étais dit que les gangs, de ce que j'ai pu voir en plus de mon expérience personnelle à Los Angeles... ça pouvait être intéressant pour traiter du côté famille, tu vois. Et je voulais faire de Vince et Angelino des orphelins de Dark Meat City. Parce que dans les gangs, ce qui est très visuel, c'est qu'on peut voir tout de suite qu'il s'agit d'une famille au sens élargi, parce qu'ils ont des codes particuliers, ils ont même des codes couleurs. Ils sont regroupés dans des quartiers. Des quartiers qui sont même interdits au reste des autres communautés. Et je m'étais dit que pour des extraterrestres, tu sais, cet adage propre à Machiavel de diviser pour mieux régner, c'était parfait. C'est-à-dire que des extraterrestres, s'ils veulent envahir une ville comme Dark Meat City, c'est très facile parce que les humains sont déjà divisés. Voilà. Et donc, c'est ce postulat qui a fait que j'ai posé mes personnages en marge graphique et social d'une certaine manière dans ce décor pour pouvoir justement ensuite après ça sert de bac à sable quoi si tu veux. Et la dimension politique de Mutafukaz, parce que très rapidement on se rend compte que le gouvernement n'est pas vierge de tout dans cette histoire et il y a une manipulation des événements pour justifier des interventions militaires, toute ressemblance avec des événements ayant réellement eu lieu serait totalement voulu, j'imagine. À quel moment vous vous êtes dit il faut aussi que Mutafukaz soit politique ? Alors tu sais que je me suis à la base, au début en tout cas quand j'ai commencé, j'avais même pas conscience de ça. Tu vois, c'est fou, mais j'ai commencé à en prendre conscience quand j'ai compris que j'étais lu, tu vois, et qu'il y avait un impact sur les gens. Mais si tu veux, c'est... tu sais, quand tu fais une bande dessinée, il y a beaucoup d'intuitifs et d'instinctifs. Donc, il y a des choses que tu ressens au fond de toi, mais que tu n'as pas forcément intellectualisé, mais que tu retranscris au travers de... Bon, parce que même si, effectivement, il y a un message politique, de toute façon, moi, je considère que tout est politique, mais... Mais je partage exactement la même chose. C'est parce que, justement, j'ai souvent des réactions d'auditeurs un petit peu énervés quand on parle d'une œuvre qui me reprochent d'avoir abordé un aspect politique dans une œuvre quelle qu'elle soit. Et en fait, au bout de moment, je suis toujours un peu gêné à dire, mais en fait, tout est politique. C'est-à-dire que le personnage tel qu'on le présente, d'où il vient, où il va, ses décisions, sa manière de s'habiller, de parler, c'est politique. Et parce que les gens confondent souvent politique et militance, tu vois. Mais politique, c'est avoir un impact sur la société, quoi, tu vois, sur la cité. Donc, bon, bref, mais en dehors de ça... Non, je suis un peu perdu là dans le... Quel moment la politique est apparue dans Mutafukaz et vous expliquez qu'en fait, initialement, c'était instinctif, c'était plus intuitif que vous... Initialement, c'était intuitif. Et là, progressivement, je commence à prendre... Enfin, progressivement, j'ai intellectualisé ce que je voulais faire passer comme idée, notamment au travers de MFK2, parce qu'aujourd'hui, alors chose qui n'existait pas au début de Mutafukaz, où il n'y avait pas de technologie de téléphone portable, etc. J'ai intégré cette technologie dans MFK2, donc la suite. Et là, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est la polarisation de la société par les algorithmes. Ça, c'est quelque chose, je trouve que c'est pour moi, c'est peut-être un des plus grands dangers de la démocratie à l'heure actuelle. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur de traiter, d'autant que dans le premier arc de Mutafukaz, je traite de la théorie du complot, mais comme si elle était réelle dans ma diégèse, tu vois. Et donc, à partir du moment où j'ai traité la théorie du complot comme quelque chose de réel, comment je fais aujourd'hui pour lutter contre les théories du complot, sachant que dans mon univers, c'est réel. C'est réel. Tu vois, donc ça, c'est vraiment le gros nœud que je me suis fait au cerveau. Alors, attention, hein, quand je parle de théorie du complot ou de complotisme, je ne parle pas des gens qui doutent de temps en temps d'une décision du gouvernement. Je parle vraiment là du soupçon systématique. De toute façon, il y a une définition... universitaire qui est très clair par rapport à ça, et c'est à ça que je me réfère quand je parle de complotisme. Mais c'est quelque chose, là, pour le coup, qui m'intéresse beaucoup, et je navigue énormément sur Internet, sur Twitter, et je me rends compte à quel point c'est un dialogue de sourds généralisé. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse dans Mutafukaz MFK2. Mais tu sais, par rapport à ce que tu parlais quand tu disais que tu m'imaginais peut-être hispano, etc., ça aussi, c'est quelque chose que j'ai progressivement compris au fur et à mesure. Tout ce qui était la question de l'appropriation culturelle, oui. Tu vois. Il y a des choses à prendre et à laisser, mais maintenant, je suis sensibilisé à ça. Je fais attention à tout ça. Ça ne veut pas dire que je me censure. Ça veut juste dire que j'en ai conscience et que je sais où je mets les pieds. Là où en 2006, c'était des questions qui n'étaient pas, tu vois, qui n'étaient pas évoquées même. En tout cas, en France, moi, j'en entendais pas parler. Donc voilà, maintenant, c'est des choses dont on fait attention. Je pense aussi qu'on vieillit, hein, tout simplement. Après, c'est vrai que l'accusation d'appropriation culturelle, il faut la prendre avec des pincettes parce que, comme on l'a dit depuis le début de cette émission, la France est un pays métissé en termes de culture artistique et même de cultures qui sont présentes sur le territoire. Donc c'est évident que ça peut s'en ressentir aussi dans la production artistique. Et surtout, il faut faire attention de ne pas reprocher, à mon sens, à certains groupes une émancipation qu'ils ont eu la chance de connaître plus tôt. C'est-à-dire, moi, je trouve ça sain que quelqu'un qui a grandi à Roubaix puisse parler d'un gang à Los Angeles. Et comme je trouverais extrêmement sain de voir des auteurs haïtiens qui décident de faire une œuvre japonaise ou ce genre de choses. C'est plus dans ce sens-là qu'il faut aller, pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse exprimer tout ce qu'il a envie de dire, plutôt que de dire, bah voilà, il y a qu'un haïtien qui pourra parler, ouais, d'Haïti. Et l'essentialisme, c'est dangereux. Voilà, au bout d'un moment, ça va limiter ça les choses. Ça va devenir compliqué, ouais. C'est donc vraiment, moi, c'est plus de liberté. Oui, et en vérité, c'est pas tant le sujet de Mutafukaz. Tu vois, Mutafukaz, ça reste quand même un divertissement, ça reste de la bagarre, hein, et de la poursuite en voiture, etc. Donc, ça, j'ai envie de dire que c'est le background. Et encore une fois, je suis quand même hyper renseigné pour avoir contacté des gens. Tu vois, on a sorti LA Kings au label 619, qui est justement un bouquin de photographie, parce que justement on a rencontré toute cette sphère de gangs de rue, etc. Donc c'est pas non plus fait au pif. L'idée, c'était aussi de partager à une époque où c'était très méconnu. Les lutteurs de la Lucha Ultima sont les descendants des guerriers Aigle et Jaguar, l'élite martiale des Aztèques. Passés maîtres dans la mystica, l'art de décrypter les signes du destin, ils luttent depuis des temps immémoriaux contre les forces de l'inframonde. Les luchadores modernes n'ont plus de guerre à mener, mais demeurent opérationnels grâce à un solide entraînement quotidien. Ils gagnent leur vie en se livrant des combats lors de représentations sportives aussi spectaculaires que scénarisées. Les luchadores et ces catcheurs mexicains qu'on a pu voir dans d'autres bandes dessinées et qui ont une place très importante dans Mutafukaz, d'où vient cette fascination run pour les catcheurs? Écoute, je crois qu'une des seules sorties que j'ai fait seul avec mon père, c'était un match de catch français. Et moi, j'avais rien vu de rien de ma vie quand j'avais 13 ans, tu vois. J'arrive là dans une salle de gala, tu vois, avec un ring au milieu, des mecs qui se tapent dessus, des éclairages, de la musique à fond de balle, des ring girls. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet univers? Tu vois, je débarquais là-dedans. Et c'était un moment d'ailleurs où la France voulait remettre du catch à la télévision. Parce qu'on a quand même un âge d'or du catch en France, oui, hein, dans les années 60. Oui, on a fait un blockbuster dessus. Ouais, bien sûr. Et ça n'a pas pris. Mais du coup, ayant vu ça, bon, c'est vrai qu'il y a le catch américain, mais en vieillissant, j'ai commencé à m'intéresser. Bon, déjà au film de Blue Demon et El Santo, tu vois, que je trouve extraordinaire encore aujourd'hui. Je m'en lasse pas de les regarder, même si c'est parfois un peu pénible, mais dans l'image, il se passe toujours un milliard de trucs. Et j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus au catch, mais pour le coup, au catch un peu plus spectaculaire, acrobatique, aérien, qui est le catch japonais, le catch mexicain. Parce que le catch américain, ça reste du catch à la papa. Hein. C'est inspiré du tu vois, de la lutte gréco-romaine et du catch européen. Et ça m'intéresse un peu moins. Et c'est vrai qu'en découvrant ça, je me suis aperçu que dans le catch mexicain, donc la lucha libre, il y avait une... On était au-delà du sport, on était dans un aspect mystique, quasi religieux, je dirais, du combat du bien contre le mal. Il y a vraiment ça, c'est vraiment inscrit dans l'ADN de la lucha libre. Et ça m'a passionné. Et j'ai découvert aussi que les luchadores, parfois, pouvaient descendre dans les barrios mexicains pour se rapprocher des populations pauvres, pour distribuer de l'alimentation, tu vois, des vêtements, etc. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit... Mais un côté en fait, héros du peuple. Mais c'est ça, je me suis dit, c'est ça les vrais super-héros. Tu vois, tu regardes n'importe quel Marvel, tu vas jamais voir, tu vas jamais aller les voir distribuer de la nourriture, par exemple. Ouais, tu vois, ils pourraient le faire. Et je trouve ça assez fascinant. Donc je me suis dit, les super-héros existent, et c'est peut-être des catcheurs mexicains. Et partant de cette base, j'ai commencé à créer mon univers autour aussi des luchadors qui sont un petit peu les gardiens du temple dans ma diégèse. Je fais une petite parenthèse. Je ne sais pas si vous avez lu le comic book Da Power Bomb d'Adam Warren, qui est formidable, qui prend justement, qui a pour toile de fond du catch et qui, dans sa manière d'être dessiné, etc., m'a fait penser à Muta Fukaz énormément, à l'esprit Muta Fukaz. Écoute, je note parce que je connais pas. Da Power Bomb. Oui. Alors, est-ce que c'est Adam Warren Johnson? J'ai confondu. Je regarderai. Mais voilà, Da Power Bomb, si jamais j'ai fait l'erreur, que les auditeurs m'excusent, mais c'est ça, Da Power Bomb. Ça, c'est D-A Power Bomb. Mais tu sais, il y a un truc qu'il faut prendre en compte aussi quand on parle de Muta Fukaz, c'est qu'en 2006, on connaissait très peu ces choses-là en France, tu vois. Par exemple, la lucha libre, on connaissait très peu. Les gangs de rue, on connaissait très peu aussi. Et c'est aussi ça qui me motivait à partager ce que je découvrais de mon côté. Tiens, regarde, ça, c'en est un. Faut deviner. Un cafard. M'arrête un peu avec tes signes. N'importe quoi. Le cafard sur ta serviette, la Vierge de Guadeloupe sur le rétro de ta bagnole. L'autre fois, c'était le crâne enflammé. Où déjà? Sur mon sandwich au fromage. Agua Calientes. Sur ton sandwich au fromage, Agua Calientes. Va falloir investir dans un décodeur parce que c'est pas super clair tes signes là. Arrête de chercher du divin dans la moindre trace de merde. Ça va finir par te rendre complètement malade. T'assumes pas ce qu'on est en vérité, des gardiens. Et en tant que gardien, on doit être réceptif et vigilant à tout ce qui nous entoure. Le petit a raison. C'est en décryptant les signes que les anciens ont su comprendre le sens de leur destinée. Chaque génération a eu son combat. Notre tour viendra. Nous ne sommes pas une génération de gardiens inutiles. Exact. Mais pourquoi un cafard, alors? Hein? Ça voudrait dire quoi? Il faut être patient, attentif. Et quand le monde aura besoin de nous, nous le saurons. Ron, à quoi ressemblait le paysage de la BD française au moment où Muta Fukaz est arrivé sur les étals? Écoute, quand j'ai fait le tour de toutes les maisons d'édition, tout le monde me disait non, parce que le format, c'était du 48 pages, 24-32 et rien d'autre. Donc je sais que le mot qui est revenu le plus souvent sur Muta Fukaz, dont je n'avais pas forcément moi-même encore une fois conscience, hein, une fois qu'il est sorti, c'était OVNI. Je sais pas, Florent, je suis peut-être le moins bien placé pour en parler, ça. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a eu En fait, si tu veux, quand j'ai fait Muta Fukaz, j'avais conscience, encore une fois, de mes propres lacunes, et j'avais conscience que dans le dessin, ça serait pas la meilleure BD, tu vois, du monde. Donc, une autre manière de m'exprimer, c'était de faire toutes ces ruptures graphiques, d'en faire un objet à part entière. Pour moi, c'était vraiment, je m'étais dit, à défaut d'être une BD parfaite en termes de dessin et de narration, ça sera au moins un objet singulier. Et ça, je pense que c'est ce qui a marqué le public au moment de la sortie. Parce que ça ressemblait à rien de ce qui existait. Ça change tout le temps, la mise en page, le découpage des cases, même la colorisation d'un chapitre à l'autre peut changer de manière très drastique. Et on est presque sur une expérimentation permanente qui tient le lecteur en haleine. C'est ça, c'était le but aussi. Moi, j'ai une formation de plasticien à la base. Donc, ce manque de légitimité dans la bande dessinée a fait que j'ai peut-être utilisé aussi des ressorts qui sont un peu plus de l'ordre plastique ou... en gros, c'était une manière de surprendre. C'était une manière de surprendre et d'accrocher le lecteur sur quelque chose d'autre avec une proposition peut-être nouvelle. Et la pop culture de l'époque, enfin nous, quand on était plus jeunes, il y avait aussi ces Picsou Magazine qui étaient parfois en mix couleur pour un chapitre, ensuite noir et blanc. Enfin, alors ça, nous, on en a peut-être, pour moi, j'en ai peut-être pas connu autant, mais je les ai vus, en tout cas, les Fumetti, l'espèce de pré-manga qui venait de l'Italie. Les BD à papa, les trucs un peu sombres que tu voyais dans des coins de librairie, quoi. Et je pense que je parle pour toi, mais ça, je pense que ça nous a influencé beaucoup. Ouais, bien sûr, mais même tout ce qui était BD, je veux dire, indé, même française, hein, tu vois, Ferraille, etc. Mais en fait, d'une certaine manière, j'ai presque fait comme si je faisais du fanzine moi quand j'étais au Beaux-Arts, et il y a cet esprit-là. J'ai gardé l'esprit fanzine dans un process, tu vois, professionnel en fait. Ouais, complètement. La preuve, c'est qu'on n'arrive plus à trouver un endroit où dédicacer dans les BD. Oui, parce que maintenant, avec le pinacle de tout ça, c'est Doggy Bags en fait. Ouais, c'est ça. Ou Low Rider. Et c'est vrai que la création du collectif Doggy Bags, c'est moi, j'étais déjà lecteur de bande dessinée à ce moment-là. C'est arrivé comme un énorme coup de pied dans la fourmilière. C'était une autre manière de raconter des histoires. C'était quelque chose de plus moderne, d'aussi plus énervé, plus violent. Il y a eu un avant et un après Doggy Bags. Je saurais pas dire, mais en tout cas, je sais que notre volonté à ce moment-là, c'était de faire de la BD tout en mettant un coup de pied au cul à la BD. Donc, tout simplement parce que les éditeurs que j'avais vus auparavant et qui m'avaient dit non, me disaient tous non, ça marchera pas, c'est pas ça le business plan, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il y avait ce petit côté, je t'avoue, au début, j'ai un peu honte de le dire, mais un petit peu revanchard par rapport à tout ça. Et puis, et surtout, nous, on voulait s'amuser et on voulait s'octroyer des plages de récréation. C'est-à-dire que quand tu sors d'une production longue, tu vois, en plus, on fait pas des petites BD, on fait du 128 pages. Mathieu Vallée, il part sur des 300 pages. C'est un truc de fou. Ouais. Et de temps en temps, on a besoin aussi de décompresser, de se dire, allez, vas-y, je vais me prendre un petit projet de 30 pages avec une petite histoire qui se tient de bout en bout. Parce que Doggy Bags et Low Rider, c'est ça, hein, c'est une anthologie de récits courts. Qui sont autour de l'horreur, du suspense, des frissons, etc. C'est un peu de l'exploitation, quelque part. Et c'est, ouais, entre guillemets, c'est notre récré. C'est récréatif, hein. Il faut réfléchir à un format de 30 pages, un épisode très court, parfois une idée, et en développer cette idée, mais du mieux qu'on peut dans ces 30 pages, et s'y tenir, et pas... Il faut être efficace. Et c'est aussi un moyen de recruter des jeunes auteurs qui ne se sentent pas forcément de se lancer dans un gros projet immédiatement. On va aborder Freak Squeal maintenant, mais avant ça, on va écouter The Eyes of a Crow des Sticky Boys, produit pour le lancement du projet Low Rider. We'll be right back. The Eyes of the Crow des Sticky Boys. Maintenant, on va aborder le cas Freaksquill. Alors, j'explique aux auditeurs. Freaksquill, c'est une université de super-héros où l'on suit le parcours de trois élèves en particulier. Chance, une jeune démone exubérante pleine de joie et de gaieté. Ombre de loup, un loup géant musculeux, ambassadeur de mère nature. Et la charismatique Chong Mao, une jeune métisse eurasienne sans pouvoir qui maîtrise le flamenco, un art martial qui combine aïkido et flamenco. Alors, derrière ce qui s'apparente à une variation sur le thème des X-Men et Harry Potter, on retrouve une des BD les plus stimulantes graphiquement de ces dernières années. Le trait de Florent Baudou, je le dis, il est face à moi, est exceptionnel. Que cela soit en matière de design, d'anatomie ou d'ambiance de ces cases, on assiste à la synthèse parfaite pour moi entre le sens du détail européen et l'énergie cinétique des planches du manga. Il y a une sorte de goût manga, mais ça ne singe pas le manga. Chong Mao est une métisse, mais c'est tout Freaksquill qui est métissé. Et là où Florent Baudou montre toute l'ampleur de son talent, c'est dans Funérailles, le spin-off de Freaksquill qui raconte les origines dans un autre monde d'un des plus énigmatiques et charismatiques professeurs de l'université. Donc, comment est né Freaksquill Florent Baudou? Alors, ça part d'une envie, en fait. C'est assez curieux, mais je voyais les Japonais qui avaient un système éditorial où ils étaient complètement fous. Ils arrivaient à faire un truc comme Yotsuba, je sais pas si tu vois ce petit manga avec une gamine de 4 ans ou 5 ans que tu vois grandir. Et tu fais, mais. Et là, quand je lis ça, je me dis, mais il y a que les Japonais qui peuvent faire ça en édition. Enfin, c'est incroyable quand même. Nous, on ne pourra pas raconter une histoire comme ça. Et je pensais à mes années de fac et donc j'avais envie de raconter un peu cette vie quotidienne qui fait partie aussi du questionnement. Parce qu'au final, quand t'es dans une fac, t'es dans une course en avant. Tu te dis, il faut réviser, il faut avoir des bons résultats, il faut survivre, il faut manger, il faut se déplacer, il faut aller à la fac, il faut se loger, quoi. Et tout ça, ça fait partie de la vie. Si tu racontes pas ça, comment tu fais pour comprendre que les élèves oublient le principal? Qu'ils oublient les objectifs et que finalement ils se laissent porter par des objectifs immédiats et plus simples. Donc j'avais envie de raconter ce quotidien et cette humanité et je voyais que les Japonais arrivaient à faire ce manga et je me suis dit je vais proposer aussi un manga. Donc je propose un manga, je fais le tour des éditeurs et comme Run, je me prends des gadins de partout. Parce que le format est plus trop à la mode. Ils ont essayé de lancer des mangas à une époque, ça s'est un peu banané. Du coup, ils lancent d'autres trucs, mais et finalement, ils reviennent avec une espèce de conservatisme où ils me disent finalement, ouais, attends, tu vas faire du 48 pages couleur, hein, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et puis, on va te mettre un scénariste aussi. Ouais, puis je commence à me dire, ok, je vais peut-être faire ça, quoi. À un moment donné, je me dis, ouais, j'abandonne, je vais dessiner pour quelqu'un d'autre. Et à un moment donné, je lance quand même une dernière bouée, une dernière bouteille à la mer. Et en fait, ça arrive dans les pattes de Run et Tot à Ankama à l'époque. Et là, dans les deux heures, j'ai un coup de fil, viens nous voir à Roubaix, viens voir les studios. Donc je suis venu les voir et ça a vite matché. On avait compris qu'on avait quelque chose en commun. Donc éditorialement, ça s'est vite monté parce que la boîte était encore très très neuve, très vierge, et donc ça a super bien matché humainement avec Run. Et très vite, on en est venu à parler du label 619, de cette identité singulière qu'on voulait insuffler à nos bandes dessinées. Et là-dessus. Voilà le projet que j'avais patiemment dessiné dans mon coin, 200 pages de storyboard que j'avais montré un peu à gauche à droite. En fait, c'est comme ça que ça a pris vie aussi. C'est un comme je suis pas été formé dans la bande dessinée mais dans l'animation. Au début, je me sentais pas particulièrement prêt pour ça, donc j'ai fait du storyboard et j'ai montré. J'ai beaucoup fait lire et c'est la réaction des gens qui lisaient, de mes proches qui m'ont fait comprendre qu'il y avait un truc parce que ils me disaient pas tiens c'est joli. Il me disait c'est quand que tu fais la suite et là tu dis j'ai peut-être touché quelque chose. Déjà j'arrive à faire une bande dessinée qui se lit et ensuite j'ai fait une bande dessinée qui donne envie de lire la suite, donc il y a peut-être un truc à faire et là c'est comme ça que commence l'aventure, quoi. Et comment sont nés les personnages? Alors, Funérailles, on sait qu'il est là depuis longtemps, qu'il était dans un coin de votre esprit et qu'il n'attendait que d'être exploité, mais Chong Mao notamment. Chung Mao, parce que c'est quand même l'héroïne badass, hyper intéressante par excellence. Oui, oui, bah, en fait, je m'inspire des gens qui m'entourent et Chung Mao est inspiré de mon ex, tout simplement. C'est, parce qu'en fait, j'aime bien décrire des personnages complexes. Les histoires qui doivent être extrêmement efficaces, qui sont racontées en très peu de pages, ça nécessite des archétypes. Et moi, ce que j'aime bien, c'est prendre un archétype et le démonter, comme les jouets, tu vois. Je le démonte et j'essaie de voir si je peux pas le mixer avec un autre jouet pour en faire quelque chose de nouveau, tu vois. C'est un peu c'est une espèce de d'énorme bac à sable. Ouais, bac à sable, Frankenstein, tu vois. Je suis un peu comme le docteur Maboul, quoi. L'île du docteur Maudou. Voilà, c'est ça, avec les monstres, avec les créatures hybrides et métissées. Et moi-même, je me considère comme métissé. Je suis issu d'une culture vietnamienne, mais je grandis en France. Je me vois blanc, quoi. Tu vois, si tu fais un test en aveugle, je me dirais, bah, je suis blanc, moi. Enfin, voilà, quoi. Et en fait, il y a encore une fois ce rapport à la culture élitiste, parce que voilà, bon, bah, que je le vieille ou non, je suis issu d'une culture vietnamienne un peu élitiste. Bon, j'ai un grand-père maître en arts martiaux, donc tout de suite, il y a des appétences qui se créent avec des personnages issus de l'élitisme, comme tu vois, on revient à Chevalier Zodiac, le personnage de Shiryu, quoi. Oui, avec le maître des cinq pics. Voilà, le maître des cinq pics, tu vois, il y a vraiment cette mythologie de l'excellence, de l'apprentissage, progressif et long et dur. Et à la fin, le personnage, il devient suicidaire. Et tu fais, mais c'est pas ça que je veux pour le personnage. Enfin, je veux comprendre, je veux pas envie de me suicider, enfin, j'ai pas envie d'être le personnage qui se suicide pour les autres, quoi. Du coup, en fait, Freaks, ça parle du bonheur. C'est ça que j'essaie de développer dans mes œuvres en général. C'est comment être heureux, comment survivre et comment vivre aussi. Oui, parce qu'on sent que ces trois personnages, et même d'autres d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de personnages secondaires aussi qu'on voit se développer, ils s'émancipent et ils s'épanouissent. Oui, ils s'épanouissent et en dehors de leurs archétypes. Ils sortent de ce qu'ils sont au début. Ils en font quelque chose, ils le subliment. Encore une fois, on parle de sublimation, mais par le travail, par l'envie d'aller plus loin et de progresser. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant que de parler d'une fac, parce qu'il y avait ce côté, tout de suite, t'es dans le schéma du récit initiatique. Et moi j'avais adoré Dune, en fait j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais effectivement les récits de science-fiction, l'Asimov, tout ça, j'en ai bouffé énormément parce que mon père en avait beaucoup lu, et il en restait plein à la maison. Et à un moment donné, quand la télé ça n'a pas été assez, je me suis tout simplement reporté dessus, quoi. J'ai découvert une passion pour la SF. Et la dystopie, c'est quelque chose qu'on ressent, ouais, particulièrement dans Funérailles. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais, Funérailles vient chercher dans ces racines-là le côté dystopique, le côté société alternative, dans lequel tu prends un élément et tu le mets en exergue pour pointer du doigt ce qui va pas, à ton avis, dans notre société, quoi. Tout en étant toujours dans la recherche de quelque chose de plaisant, tu vois, on parlait d'une scène d'action, de non-stop. On veut remplir nos bandes dessinées, on veut qu'elles soient généreuses. Au C-119, c'est vraiment ça, c'est un truc qu'on a tout de suite partagé. C'est la générosité, on se donne à fond, quoi. Parce qu'on veut que, déjà, on veut pas avoir honte de nos projets, ça c'est bête, mais voilà, c'est pas mal. Et surtout, je crois qu'on a envie de partager des trucs. Ah, ça se sent. Je ne suis qu'un lecteur parmi tant d'autres, mais vraiment, cette richesse et cette générosité, elle se transmet assez bien à la lecture. Et je l'ai testé sur d'autres personnes à qui j'ai fait lire. C'est partagé. Ouais, mais c'est cool parce qu'en fait, tu évoques ça, je me permets de te couper. En fait, c'est vrai qu'on fait des BD, enfin moi en tout cas, je ressens comme ça pour les miennes, qui sont des BD de partage. Frisquis partage beaucoup, et Funérailles dans le couple aussi, des gens qui sont dans le couple, qui le partagent. Je vois que ça commence à se partager aussi intergénérationnellement, je crois que c'est ça, le cas, ouais, avec... Ouais, ça c'est une signature. Ouais, c'est ça, et là, tu vois, ce qu'on a fait avec Short Story, on est venu chercher, sans le vouloir peut-être, mais on est venu chercher un public de troisième âge, et du coup il y a un partage qui se crée avec une génération qu'on n'avait jamais touchée jusqu'ici. C'est vrai. Qui est les gens de notre âge et leurs parents. C'est vrai. Et c'est vrai que souvent en dédicace, on a soit le gamin qui a passé le flambeau à son père, en tout cas qui a donné le virus, ouais, à son père, ou l'inverse, le père qui a commencé et qui file le truc au gamin. Et les femmes aussi, parce que l'électrice, parce que le personnage de Chong Mao, justement, et c'est une manière d'écrire et même de dessiner les femmes comme moi je l'avais peu vu jusqu'à maintenant. Chong Mao et Calipige, dans Funérailles, il y a même des personnages vraiment en surcharge pondérale, etc. Mais super bien dans leur peau, elles sont magnifiquement dessinées. Ça, c'est d'où ça vient ? Ça vient, parce que c'est vrai que l'histoire de la représentation dans la bande dessinée et dans l'évolution du lectorat aujourd'hui, c'est ça qui me marque, c'est que jusqu'à maintenant, il y avait vraiment cette idée que l'histoire était plus importante que tout, et aujourd'hui, c'est on entend souvent dire, mais est-ce que je me retrouve, est-ce qu'il y a une représentation de moi dans cette bande dessinée ? Ouais, ça, comment dire ? Déjà d'un point de vue de la représentation, de l'utilisation du narratif bande dessinée. Je pense que je vais chercher ça dans le manga que je parlais de Yotsuba tout à l'heure. En fait, c'est y a un effet intéressant quand tu mets deux images l'une à côté de l'autre du même personnage. Il devient vivant parce qu'il y a des expressions différentes. Et je me suis dit, mais pourquoi les personnages que je dessine quand je fais de la figurine, parce qu'en fait je viens du monde de la figurine en plomb. Warhammer, tu vois, tous ces trucs-là. À l'époque, on faisait du plomb, quoi. Et quand tu fais un personnage archétypal dans ces univers-là, il faut qu'il soit immédiatement reconnaissable, immédiatement identifiable en une image. Et en fait, c'était frustrant. C'est comme si, ce qui se fait en sculpture italienne, t'as l'impression qu'il y a un archétype de femme et d'homme. Oui, un seul corps, voilà, la statue grecque. C'est une impression. Hein, oui. C'est une impression. Après, il y a des subtilités très, très, très marquées. Mais quand même, globalement, ce côté, il y a une espèce de pudeur qui entoure ces représentations, même si c'est des représentations qui sont très érotiques. Pour autant, il y a une uniformisation qui apparaît. Dans la bande dessinée, on se recadre, on se remet en 2006, en 2007. Il y avait ce truc-là qui était apparu, tu vois. On avait des filles de soleil. C'était des poupées Barbie, elles étaient très jolies. C'était des déesses. Mais en 48 pages, tu vois, tu développais pas leurs petits défauts. Et moi, ce que j'aime bien, c'est les petits défauts. Et je trouve qu'une femme, elle est encore plus belle dans ses petits défauts. Et ça commence avec son Mao, tu vois, je touche un truc, je me dis, tiens, une femme, elle a pas les formes que ont les femmes dans les représentations. Donc moi, j'ai envie de parler de femmes qui sont différentes. Et au fur et à mesure, tu vois, j'aiguise mon œil, je trouve de plus en plus de beauté dans... et moi-même, c'est un travail que je fais moi-même pour moi aussi. Je trouve de plus en plus de beauté dans l'imperfection. Et je pense, j'ai envie de partager ça. Enfin, on parlait de partage, tu vois, c'est tout bête, mais j'ai envie de partager ça et j'ai envie de montrer, voilà, c'est pas parce que t'es pas parfait, t'es pas une sculpturale, que t'es pas humaine. Parce qu'en fait, c'est ça aussi le sujet de Freak Squeal, c'est le personnage secondaire d'habitude dans les films, tu vois, il se reproduit pas, il a pas le droit de choper la meuf, entre guillemets. Et la meuf, elle est obligée de rester dans son rôle de princesse en détresse. De son rôle de princesse, de son rôle de... ce que je cherchais comme mot, c'est... le love interest, l'objectifier. Oui, juste objectifiée. Elle est objectifiée. Et souvent, nous, on a beaucoup bouffé de trucs des années 80, c'était très réganien. Effectivement, les femelles étaient extrêmement objectifiées dans leur rôle de reproductrice. Et le personnage secondaire, lui, était objectifié dans son rôle de faire valoir. Donc, et toi, t'as l'impression que tu grandis, quoi, t'es dans une France qui est multiculturelle, tout ça, mais pour autant, t'as pas la couleur de peau. Tu vois, je te disais tout à l'heure, je me sens blanc. Oui. Mais en fait, je suis pas blanc. C'est une évidence, quoi, c'est clair. Et puis, je suis pas grand, je cours pas vite, je suis pas particulier, quoi. T'as pas les tablettes, pas super pouvoir. Les tablettes de chocolat dessinées comme dans les représentations d'hommes qu'on peut voir aussi en bande dessinée. Oui, voilà, c'est parce ça. Parce qu'il y a un diktat, il y a une survalorisation de la masculinité par le muscle. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que je trouve ça c'est super intéressant ce que développe Run dans Mutafukaz, parce que je pensais que c'était pas une BD pour moi, et quand je l'ai ouverte, je me suis tout de suite dit, ah, mais en fait, c'est pour moi. parce que il parle de la loose de Angelino et Vince, qui sont comme des enfants, parce qu'ils ont des corps d'enfants, ils sont petits, ils sont dans un monde ultra violent et très masculin et très viril. Et ça, c'est un sentiment que j'avais aussi. Du coup, ça m'a touché immédiatement. Et dans Freak Squeal, c'est autre chose que dont je voulais parler. Je voulais parler de ces personnages secondaires, de ces faire-valoir d'habitude, qui sont objectifiés et qui sont et que là j'ai envie de donner de la vie et de l'espace, de la bande des cases. Donc forcément un format de BD différent, un format de BD peu étrange. Et justement, il y a beaucoup de débats en ce moment sur la bande dessinée, sur la surreprésentation des hommes auteurs et même la médiatisation qu'on en fait. Comment vous, en tant que dessinateur et vraiment dessinateur de talent depuis des années, vous appréhendez ce changement et ces revendications sociétales? Parce que j'imagine qu'au début, voilà, on dessine, on est au fond d'une classe, on apprend à faire des petits bonhommes, et puis tout d'un coup, on travaille dans une logique de fanzine, on sort sa première bande dessinée, au fur et à mesure, on rencontre une autre personne avec qui on constitue un collectif, un label, etc. Ça prend de l'importance dans une société où on valorise de plus en plus ces cultures alternatives, et tout d'un coup, paf, ça sort au grand jour. Et des fois, on peut se retrouver avec des grands thèmes de société qui pèsent sur des épaules, alors que initialement, nous, on était encore le gamin. On faisait nos petits Mickey. Qui faisait son Mickey en disant ouais. J'ai peut-être pas vu tout ça. Exactement. Donc comment on réagit, votre responsabilité, un grand pouvoir implique des grandes responsabilités. Au début, on surréagit, je pense. On se dit il faut remontrer, il faut mettre en avant et tout ça. Et je pense que c'est pas la bonne démarche. Parce qu'en réalité, des autrices de bande dessinée, il va y avoir de plus en plus. Je vois une génération montante. À un moment donné, j'étais jury dans une école pour un pote à Marseille, là. Et les meufs, elles cartonnaient, quoi. Elles faisaient vraiment des trucs super intéressants. Elles avaient compris que c'était pas la peine d'essayer de faire le Seigneur des Anneaux en sortant de l'école, mais que, en faisant des trucs qui sont liés à un public peut-être un peu plus de niche, mais qui sont plus proches d'elles, elle pouvait être pertinente. Et là, je pense qu'il y a une génération montante. Après ça, je dis pas que les mecs sont complètement à la ramasse et qu'ils feront rien de ce qu'ils ont, quoi. Mais de toute manière, la bande dessinée, c'est un monde d'aventure. Tu vois, nous, depuis tout à l'heure, ce qu'on décrit, c'est de l'aventure. Il y a un milieu qui est pas bien installé, qui est pas forcément très visible. Et nous, on a décidé, de s'exprimer dans ce modèle-là, parce qu'en fait c'est pareil, tu vois, j'ai fait de l'animation, je sors de l'école d'animation, je me dis je vais faire du dessin animé, c'est normal. En fait, il y a plus de dessin animé à l'époque, ils font tout en 3D, de l'image de synthèse, du coup tout se recycle, enfin les mecs se recyclent, donc les supers animateurs de l'époque ils se recyclent, donc il y a plus de place pour les jeunes. Moi, ce que je fais, je fais du jeu vidéo, quoi. Donc je bricole, je pars dans le jeu vidéo, je pars dans la figurine, et au final je retrouve dans la BD un peu par accident. Et je découvre à quel point c'est un médium qui est extrêmement riche, parce que elle est liée quasiment à l'invention de l'écriture. Tu vois, les hiéroglyphes, la tapisserie de Bayeux, enfin tout ça, c'est de la bande dessinée. Et nous, on continue à faire ça, on continue à essayer d'exprimer des idées avec le médium qui est le plus proche de ce qu'est l'art primitif. Et est-ce que dans Freak Squeal, pour revenir à la BD matricielle, est-ce que vous avez un personnage favori? Je crois que j'aime bien Scipio. C'est le frère jumeau de Funérailles. Qui est c'est le. En fait, je m'identifie à lui. Tu vois, on a parlé de nos parcours avec Run. Moi, j'ai un peu le parcours du rival. C'est le mec qui a acquis tout presque tombé, tout cru dans la bouche, quoi. Je me sens un peu comme un enfant gâté. J'ai l'impression que j'ai pas eu à faire grand chose pour, à part être passionné par les trucs super amusants, quoi. Et finalement me déverser ma créativité dedans. J'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de chance, tu vois. Moi, j'ai, par exemple, tout bonnement, j'ai fait j'ai étudié le piano au conservatoire pendant 9 ans et j'ai passé des diplômes et tout ça, j'ai fait des concerts. Et Run, par contre, lui, il voulait faire de la musique. Et avec son pote, avec Guillaume Houzé, ils ont fait de la musique, ils ont fait des concerts. Et il y a quelque chose de magique, tu vois, dans ce qu'ils ont fait. Enfin, je sais pas, tu pourras peut-être mieux en parler que moi, mais l'aventure, elle est portée plus par ces personnages qui sortent de nulle part. Et moi, j'ai l'impression d'être le gosse de riche, quoi. Et au final, Scipio, c'est ça. C'est le gosse de riche par rapport à son frère jumeau qui a été complètement abandonné parce qu'il était indésirable. Il est du mauvais côté du lit, quoi. Et pour autant, c'est un gros loser. Il passe son temps à perdre. Mais il perd avec panache. Et je crois que j'ai envie de me sentir comme ça, de me dire, je peux perdre avec panache. Que moi, j'essuie les plâtres. Voilà, c'est ça. J'essuie les plâtres, mais je fais en sorte que le groupe avance. C'est ça, c'est chacun ses rôles, en fait. Oui, et puis il faut toujours se méfier. Si la lecture de Berserk m'a appris quelque chose, c'est qu'il faut toujours se méfier d'être le favori à qui tout réussit. Oui. Jusqu'à un certain moment. Voilà. Mais voilà, ceux qui auront lu Berserk comprendront de que je suis en train de parler de Monsieur Griffiths. Oui, tout à fait. Voilà. Et alors, c'est vrai que quand en lisant Freaks Wheel et Funérailles, je me suis dit que si on devait résumer, Freaks Wheel, ça ferait une très bonne série Netflix chiadée avec un milieu d'étudiants, avec des super pouvoirs, avec des triangles amoureux. Il y a vraiment toutes les recettes de la série adolescente telle qu'on en consomme énormément en ce moment. Mmh. Et Funérailles, pour moi, ça serait une série HBO à je sais pas combien de millions. Le ton est complètement différent et même l'atmosphère et la manière de composer les cases est différente. Est-ce que vous souscrivez à cette comparaison? Complètement, parce que en fait, comme je te dis, j'ai lu beaucoup de SF et ça s'est transformé en appétit pour la fantasy. Donc du coup, l'univers de George Martin, il n'était pas inconnu. C'est cette ambition, cette envie de raconter des grandes fresques en s'inspirant de l'histoire, en s'inspirant des récits historiques. C'est un truc qui m'est venu petit à petit avec le contact du grand-père de mon ex qui est aujourd'hui décédé, mais qui m'a donné goût à l'histoire peut-être plus complexe et amusante. Et en fait, aujourd'hui, quand tu ouvres des livres d'histoire, c'est ça qui est intéressant. Petit à petit, ils arrivent à sortir de leur conservatisme, parce qu'il y avait tout un truc comme ça à une époque dans l'histoire, et maintenant c'est t'as des publications qui est pas conservatrice dans le principe, quoi. Et du coup, il y a énormément de choses à retenir de l'histoire en termes de narration, en fait, parce que c'est extrêmement c'est fou, enfin tout est, il y a des anecdotes de foot partout, des trucs complètement incongrus. Là aujourd'hui, je fais de la reconstitution historique dans une association, et je me suis pris de passion pour les Khazars, qui est un peuple de steppe qui s'est converti au judaïsme. C'est un truc de fou, hein. C'est complètement bizarre, enfin c'est improbable, et pour autant ça existait. Alors pourquoi nos histoires elles seraient pas inspirées de ça? Parce qu'au final c'est un terreau d'inspiration qui est bien plus intéressant que d'aller repomper des trucs qui existent déjà. Pour autant, voilà, je crache pas dans la soupe, hein. Moi, tu mets le Mandalorian, j'aime bien, hein. mais voilà, quoi. Si tu veux faire, j'ai tendance à penser comme ça. Si tu veux trouver de l'inspiration pour ton médium, pour ta bande dessinée, pour ton roman, pour ton cinéma, j'en sais rien. Va chercher de l'inspiration ailleurs, quoi. Sinon tu risques de tomber dans un système consanguin, quoi. Dans le réel, j'ai envie de dire, tout ça. Oui, dans le réel. C'est vrai que moi, toutes mes histoires, elles proviennent de là, en fait. Et même d'expériences personnelles, en fait. Ouais, c'est ça. Mais s'il n'y a pas cette expérience personnelle, en fait, à quoi bon? Dans ce cas-là, tu prends une IA. Ah, c'est creux. Aujourd'hui, ouais. Ça marche, quoi. Tu as des IA qui sont très performantes, tu te fais des images et tu te fais une BD d'IA, quoi. Mais dans ce cas-là, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il y a une création? Bah non, en fait. En fait, je pour aller totalement dans votre sens, le souci, c'est qu'il me semble nécessaire que beaucoup de lecteurs et de spectateurs comprennent que le monde qu'on leur propose est des fois un monde qui les réclame quasi inconsciemment, et qu'il faut se méfier aussi de ce qu'on voudrait. C'est vrai. Et qu'en fait, l'art n'est pas là pour vous donner exactement ce que vous avez envie de voir, mais il y a aussi une énorme part de surprise, de sérendipité, c'est-à-dire que vous allez trouver des choses que vous ne saviez même pas que vous cherchiez en regardant Tout simplement, l'autre forme. En schématisant, effectivement, notre rôle d'auteur et d'artiste, c'est de montrer aux gens ce qu'ils ont besoin de voir, mais pas ce qu'ils ont envie de voir. C'est parce que si on donnait ce qu'ils ont envie, ben on aura toujours un train de retard en fait. Ouais, mais même au-delà de ça, le label 79, c'est ça aussi. Ouais. C'est-à-dire que par un titre, on essaye d'amener les gens vers un autre titre, etc., etc. Donc il y a de ça, il y a des gens qui ont absolument pas envie d'ouvrir, par exemple, Moutafoukaz, parce que c'est segmentant. Rien que le choix du character design, il est segmentant. Le titre en graphe, c'est segmentant. Tu vois, mais progressivement, ils peuvent y arriver de se dire, mais en fait, il y a quelque chose qui me parle là-dedans. J'y serais jamais allé de moi-même, mais en fin de compte, il se trouve que ouais, j'aime bien, ça me parle. C'est un peu ça qu'on essaye de créer. C'est cette dynamique qu'on essaye de créer avec le label 619. Oui, parce que sur deux histoires très contenues, Moutafoukaz, Freakskill et Funérailles, vous avez accepté de prêter vos personnages à d'autres dessinateurs. Il y a notamment Rouge, qui a repris le personnage de Chung Mao. C'est Surya qui a repris le dessin, dans un dessin qui est très différent du mien d'ailleurs. Et de son côté, Run, effectivement, a beaucoup prêté Angelino. Oui, à Guillaume Saint-Gelin, à Simon Hutt. Mais moi aussi, c'est... Comment ? Ça vient toujours de ce problème, entre guillemets, de manque de légitimité. C'est-à-dire que j'ai envie, au contraire, d'ouvrir mon univers à des gens et qui se l'approprient. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et qui propose autre chose que ce que moi, je ferais personnellement. Et il y a également donc le collectif Doggy Bags avec ses histoires courtes et je me souviens notamment de l'apparition de Massico, oui. Qui est mon personnage favori, une maman slash gogo danseuse à gage, tueuse à gage, etc. Mais que j'adore, la maman de Chun Mao. Et j'ai peut-être révélé quelque chose là. Non, ça va, c'est faisable. Et alors on arrive bientôt à la fin de cette émission et on n'a pas encore parlé du film Moutafoukaz, de l'aventure que ça a représenté, avec derrière le en filigrane Ankama Animation qui avait déjà essayé de sortir un film incroyable sur le monde de Wakfu et qui avait été très très mal vendu. Mais j'aimerais savoir, vu de l'intérieur, qu'est-ce que c'est de travailler avec le studio 4 degrés au Japon et tout ça. Donc ce que je vous propose, et pareil pour Funérailles, j'aimerais savoir aussi si on aura peut-être un jour il y aura une suite, oui. Ça a une suite, je l'attends. Une adaptation. Mais une adaptation. Ce serait cool. Voilà. Donc moi ce que je vous propose, et l'engagement que je me propose de vous faire, c'est qu'on se revoie pour un prochain blockbuster pour aborder cette autre partie Avec plaisir, de votre carrière. Comme ça, ça laisse le temps aux auditeurs de lire Moutafoukaz, de lire Freakskill et Funérailles, et on continuera d'explorer le label 619, et peut-être même que la prochaine fois, on pourra convier aussi Mathieu Bablet venir parler à ce micro. En tout cas, moi, j'ai été ravi de lancer ce premier entretien avec vous. Je le dis au nom des lecteurs, bravo pour vos histoires, vous m'avez fait rêver, vous m'avez emporté par vos dessins, donc ne croyez pas, même si vous avez le syndrome de l'imposteur, que vous en êtes, vous faites plaisir à bien des gens, dont moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maintenant on sait où se trouvent les studios, on pourra revenir. On organise ça. C'est la fin de cette émission. Run et Florent Modou, merci. L'émission a été réalisée brillamment par Anne-Sophie Laden et Fanny Boyon, et elle a été préparée par Benjamin Ducy et aujourd'hui Élise Christophe à la technique. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou en parler sur le Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Et je tiens également à remercier First Print et mon camarade Arnaud Tomassini, qui, même si il n'est pas intervenu directement dans la conception de cette émission, il fait partie de la nébuleuse et des podcasts de qualité que je vous invite très chaleureusement à écouter religieusement. Voilà, merci. Oh merde. Me dites pas que vous les avez tués. Deux merdeux face à une section d'élite. C'est celui qui a la tête noire, c'est ça ? Je m'en doutais. Il est en train de se révéler. Le boss va être furieux. Blockbuster est un podcast original de France Inter.